Imagine qu'on te mette sur une ligne de départ dont la signification est fait à vie. Seulement, on ne te dit pas que ton voisin fera tout ce qu'il peut pour te faire tomber. Tiens, prenons un exemple. Aujourd'hui, je t'ai tendu la main, je suis un type sympa. Mais demain, je ferai tout, tout pour que tu dégages. C'est plus des DRH, c'est des militants pour le FN. Je pourrais fuir mais je tourne en rond comme le phare de la tour Eiffel. Leurs projecteurs on kiffe trop l'ombre, des projets forts on kick nos sons. Si la galère était un sport, j'aurais ma place au JO de Londres. Fumeur barrette, dit que tu fais de la variette pour tenter les concerts. Pilote de transpalette, semaine d'après je suis dans le téléconseil. J'ai pas eu le choix, monsieur pouvoir d'achat m'a fait intérimaire. Business et violence pour la jeunesse d'un pays de merde. Tout le temps à batailler, on n'est pas de ceux qu'on grave l'achat. Du grave d'Aya, des cavaches lag, tout le Barney a plus de pute qu'à Pattaya. Les petits graves, le reré au bigrave. Le teuteux du mal à faire le moi quand t'as la petite. Femme et le tom-tom, alors dites pas que je suis pas déter. Certains pas s'éternent, mais à 7h je veux juste un tarp pépère. Calculez pas mes cernes, des médias en masse. Leur discours fout des otites, ils parlent du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exotisme. Alors dites pas que ce jeune a le choix d'avoir un taf honnête. Pas plus pas tout ce qu'on propose, c'est conduire une camionnette. Alors dites pas que les gens sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous égaux à la naissance, c'est bien joli, mais après. Alors dites pas que le racisme a disparu. Trop de préjugés dans leur regard, depuis quelques temps j'évite la rue. Alors dites pas que les gens sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous égaux à la naissance, c'est bien joli, mais après. Sans piston parental, reste pas de château. À part en sable, à 30 ans je vais être bien. Alors tant pis, je prends pas de temps, soit. Quoi que tu fasses, il faut du cash, carte bleue ou paypal. J'ai fait un saut dans le vide, j'ai remonté le précipice. Mais ça paye pas, tu fais la queue dans ce monde. J't'en prie, passe devant. Quant à mon salaire de merde, faut pas être fan de viande. Heureusement que je bouffe des rimes, toujours ce flow cramé sur la cassette. Toute l'année à Paname, c'est pas les bras croisés sur la croisette. On a fait tout ce qu'on a pu pour rebosser. Et tu sais quoi? Les patrons se sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, y'en a que pour les riches. Rouler des spartisés, des flashs depuis les heures de colle. Ma vis décale, le son est fat, ici on swing sans club de golf. Comment rester cool, éloigne-toi du parcours et tu prendras du ferme. Tu taffes pour des bourges que tu rembourses à chaque tu fais. Accroché à la 16, y'a pas d'avenir donc t'es HS. Faudrait sortir la chaise pour Zemmour et BHL. Même sans billets, tant j'ai des pièces ça va. C'est plus sauvage qu'en pleine savane, j'cours après un taf. Alors dites pas que je suis un train sabbat. Alors dites pas que ce jeune a le choix d'avoir un taf honnête. Pas que plus pas tout ce qu'on propose, c'est conduire une camionnette. Alors dites pas que les gens sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous égaux à la naissance, c'est bien joli, mais après. Alors dites pas que le racisme a disparu. Trop de préjugés dans leur regard, depuis quelques temps j'évite la rue. Alors dites pas que les gens sont les mêmes, c'est pas vrai. Tous égaux à la naissance, c'est bien joli, mais après. DSR, DSR.